Michael Maillet refait rentre la poussière d'étoiles et le silence froid, froid. Volons à travers les marées sans fin. Monsieur Michael Maillet refait nous conduit dans l'espace. Une danse des traces du chaos. Des planètes comme le vieux papier, yeah. Vos blessures chuchotaient les histoires ici. Des guerres, des étoiles, de lumière cassée. Mais nous suivons les sentiers, ne partez pas. Cicatrices interstellaires, un plan éternel. Monde abandonné, brûlé dans le sort. Chaos dense, où la commande se casse. Monsieur Michael Maillet refaire nous amène à la lumière. Monsieur Michael Maillet. Cicatrices interstellaires.